Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est samedi, c'est l'heure du Dr Disco et Mr Funk avec votre serviteur Fred. Alors la découverte du jour, elle est française, et oui, français, vous avez bien entendu. On va écouter Serge Ponsard. Il est né dans le Var à Toulon, de parents martiniquais. Le tube qui va être diffusé aujourd'hui est Out in the Night, sorti en 1983. Bah, le chanteur, malheureusement, il aura une carrière éphémère car il décède en avril 1993. Rendons-lui hommage tout de suite avec ce titre. We'll be right back. Alors, on va continuer dans nos 100 hits aujourd'hui avec Lime et leur titre Your Love. C'est un groupe formé par le couple Denis et Denise Lepage. Denis a déjà collaboré avec beaucoup d'artistes comme France Jolie, vous connaissez, n'est-ce pas, ou Freddie James. En 1980, il décide de monter un groupe avec sa femme qui s'occupe de la composition et du chant, et lui va s'occuper des arrangements. Your Love sort en single en 1980, mais le titre ne connaîtra véritablement le succès qu'à la sortie du même album en 1981, en avril précisément. Denis chante avec une voix rock et Denise avec un grain léger et aigu qui tranche avec les voix soul, gospel, chéro disco. Mais qui pour le coup se mêle parfaitement aux sonorités métalliques des claviers et au groove plus froid et plus mécanique. Lime devient pendant quelques années un groupe phare avec des hits You Are My Magician ou Babe, We're Gonna Love Tonight. En parallèle, Denis a cessé sa réputation en s'impliquant dans la production de hits comme Hit and Run Lover de Carole Jenny, que l'on a déjà écouté, ou Dancing the Night Away de Vogue. Mais assez parlé, place à Lime. Yeah. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Votre nouveau rendez-vous, Face B est de retour. Aujourd'hui, un groupe mythique à l'honneur, Shalamar. On va s'attaquer à la face B du 45 tours A Night to Remember. C'est There Is It. Le titre figure sur l'album Friends, sorti en 1982. Le morceau est tellement bien accueilli par la critique qu'il s'offrira même le luxe de sortir en 45 tours, mais face 1 cette fois-ci. Le titre fera un top 5 en Angleterre et un top 6 en Irlande. Elle a été classée numéro 9 pour la chanson de l'année 1982 par le magazine New Musical Express. On va écouter ça maintenant. So long to find each other, baby. There it is. this way back home. Pour le maxi du jour, on va retrouver un groupe dont on a déjà parlé, Tavares. Vous vous souvenez de Heaven Must Be Missing an Angel ? Eh ben, c'est eux. Aujourd'hui, on va partir en 1983 et écouter Got to Find My Way Back to You, extrait de l'album New Direction, qui est leur 11e album. Le titre atteindra la 24e place des charts US. Un morceau qui gagne à être connu. Voilà, c'est maintenant parti. I got to. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. C'est l'heure de la pépite et aujourd'hui on va s'intéresser à Sade. Ça fait longtemps que je vous ai pas passé un de ses tubes. J'adore sa voix. Aujourd'hui j'ai choisi pour finir The Sweetest Taboo. Paru sur son deuxième album Promise, sorti en 1985, ça lancera d'ailleurs le premier single extrait. Il restera dans le top 40 US pendant 13 semaines et atteindra la 5e place. La chanson fait référence à une histoire d'amour secrète. Je vous invite à traduire les paroles et vous verrez leur sensualité. À écouter lors de soirées romantiques et pourquoi pas maintenant. Le samedi, c'est apéro disco sur Fadjet. C'est déjà fini, mais soyez assurés de me retrouver semaine prochaine, même endroit, même heure, même chaîne. Je vous dis bonne semaine, portez-vous bien, bye bye.